C'est une question qui ne relève ni des chefs d'État, ni d'un conseil de ministre quelconque, que ce soit budgétaire ou politique. Et le roi du Maroc a menti. Peut-on dire cette fois-ci, Eli Kamboukolo, que l'organisation est menacée par cette crise ? Apparemment, Philippe Saint-Denis, l'OUA a réussi cette fois-ci encore à échapper à l'éclatement, comme ça a été le cas au moment de la crise biafraise. Mais le problème institutionnel s'est révélé beaucoup plus grave dans le cas de la crise du Sahara occidental. En effet, le principe sacro-saint de l'intangibilité des frontières issues de la colonisation a été très fortement remis en cause. D'autre part, près de 20 États de l'OUA ont choisi de faire la politique de la chaise vide, remettant en cause du même coup la légitimité et la crédibilité de l'institution. Et enfin, le conflit diplomatique, militaire et politique entre le Maroc et la RASD s'est perpétué jusqu'à nos jours. Finalement, faute d'avoir su résoudre cette crise, l'OUA a trouvé une porte de sortie. C'est l'ONU qui prend en charge le dossier et en 2000, la crise sahraoui est très loin d'avoir trouvé une solution. Sintaru ofrimado, juntaru com sentido, sentido de Cabral. Mundo, dunia, mundo, dunia. Le chant qu'on vient d'entendre est dédié à Amilcar Cabral, champion de la lutte pour l'émancipation de la Guinée portugaise et des îles du Cap-Vert. C'est entre 1960 et 1962 que les partis nationalistes, créés dans la clandestinité pendant les années 50, se sont lancés dans la lutte armée contre le Portugal. Une lutte féroce, au cours de laquelle la PID, la police politique secrète de Salazar, va multiplier les infiltrations, les sabotages et les assassinats, comme celui du Mozambicain Eduardo Mondlane, ou en janvier 1973, celui d'Amilcar Cabral. Mais une guerre qui va aussi bénéficier du soutien total de l'OUA, qui obtient de certains États africains de jouer le rôle de base arrière et de sanctuaire. Ainsi, le soutien de la Guinée au PAIGC et le soutien de la Tanzanie au Frelimo permet à ces deux partis d'organiser la lutte pour l'indépendance, respectivement en Guinée portugaise et au Mozambique. En revanche, en Angola, ce sont plusieurs partis qui se partagent la lutte pour l'indépendance. Nous écoutons Roberto Holden, chef de l'Union des populations de l'Angola, enregistré en juin 1963 dans un camp d'entraînement de ses troupes à la frontière zaïroise.